بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد، نوفو شابيتر كي كونسيرن العيد، الصلاة دو عيد، إيسي ريغل، إيسكي سي رابورت. إي كوم لا بريسيزي الشيخ الوثيمين رحمه الله تعالى، لوتور أ سيتي صلاة العيد، إي سولا دو فات كو لو عيد فيان أبخي الجمعة، كار الجمعة إيكالمون أن عيد. سيتادير كو نو أفون تخوا أعياد، تخوا عيد أون إسلام، كي نو سون ليجيفيري، كي سون لو جمعة. Qui est le Eid de la semaine. Et nous avons Eid al-Fitr, c'est le Eid qui a lieu après Ramadan, et Eid al-Adha, celui qui a lieu le jour du sacrifice, après Arafat. Donc, du fait que tout cela est lié, l'auteur a fait suivre les salats du Eid après celle du Jumu'ah. Et toute autre fête qui serait fêtée en dehors de ces trois-là serait caduque et serait considérée comme étant une innovation. Nos ayats, ce sont celles-ci. Et on peut y rentrer également. Le jour de Arafat, ça a été considéré comme un jour de Eid, et le jour de Tashriq, les trois jours qui suivent le jour du sacrifice. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن وثلاثين بعد المئة 138e حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. Donc selon عبد الله بن عمر رضي الله عنه. Il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Abu Bakr, ainsi que Omar, faisaient la salade du Eid, les deux, hein, des deux Eid, celui du Fitr et celui de l'Adha, faisaient la salade avant la khutba. Avant la khutba. Yaqulu Fadilat al-Shaykh ibn al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. À la base, il y a deux hadiths qui vont ensemble, mais on va les séparer, Inch'Allah. On va les prendre un par un. Mais les deux reviennent au même sujet à peu près. Donc le prochain ders sera lié au 139e hadith qui, lui, est relatif au même sujet. Le rapporteur, c'est Abdullah ibn Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Yaqul, Maudou al-Hadith, Bayen al-Asbaq min al-Salati wal-Khutba fil-Aidain. Donc le sujet du hadith, c'est de montrer lequel des deux on fait en premier, le jour du Eid, est-ce que c'est la Salat ou est-ce que c'est la Khutba. Et bien sûr, du hadith, il apparaît clairement qu'il s'agit de la Salat. On fait la Salat avant la Khutba. Car la salat, elle est obligatoire à la qawl sahih, et la khutba, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire la khutba du Eid n'est pas comme celle du Jumu'ah. Elle n'a pas les mêmes règles. Yaqul fi sharh al-ijmali, explication globale du hadith. Yurbilu Abdullah ibn Omar radhiyallahu anhu ma anna sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa khalifatihi Abi Bakr wa Omar radhiyallahu anhu ma البداءة بالصلاتي العيد العيدين قبل خطبتيهما وقد استمر العمل على ذلك حتى جاء مروان فخرج وخطب قبل الصلاة فأنكر عليه أبو السعيد فقال مروان إن الناس لا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. Donc Ibn Omar nous informe que la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ces deux khalifas qui sont Abu Bakr et Omar est de commencer par la salat du Eid avant la khutba. Et que cela a perduré jusqu'à ce que vienne le gouverneur qui s'appelait Marwan. Et que lui, il a justement sorti le minbar en premier lieu du Musalla et il a fait la khutba avant la salat. Et de là, Abu Sa'id était présent et l'a attrapé par le vêtement et lui a dit que, en réalité, c'est la salat avant la khutba. Et là, Marwan lui a dit que les gens n'écoutent pas la khutba. Ils s'en vont après la salat directement. Donc j'ai préféré faire la khutba et après que les gens s'en aillent. C'est-à-dire qu'on fasse la khutba et après ils font la salat et après les gens s'en aillent. C'est-à-dire pour les forcer à écouter la khutba. Et dans une version, il était dit que Marwan, il a dit à Abu Sa'id al-Khudri, quand l'école de Zahaba m'a ta'alé, à Abu Sa'id, ce que tu connais est déjà fini. Ça n'existe plus maintenant. Taïb. Donc là, c'est ça le sujet du hadith, c'est-à-dire que la salat a lieu avant la khutba. يكون من فوائد الحديث أنصنمات الحديث مشروعية صلاة العيدين والخطبة لها qui légiférait de faire la salat des deux عيد ainsi qu'une خطبة qui va avec. ثاني أن محل الخطبة فيها بعد الصلاة et que la خطبة ne se fait qu'après la salat. La خطبة ne se fait qu'après la salat. نعم. فهذا الذي أخذنا اليوم من هذا الحديث والحمد لله رب العالمين.